Examen 2. Compréhension de l'oral. Exercice 3. Situation 0. Tu crois que la pluie va s'arrêter? J'espère. Demain, j'aimerais bien aller à la plage.